Cécilia ou Mémoire d'une héritière par Fanny Burney. Livre premier, chapitre premier, un voyage. Cécile avait atteint depuis peu sa 21e année. Ses ancêtres avaient été d'opulents fermiers de la province de Suffolk. Cette profession, peu conforme aux idées ambitieuses de son père, ne lui avait pas paru digne de lui. L'appât des richesses avait eu moins d'empire sur son esprit que le désir de vivre d'une manière plus brillante. Sa vie avait été celle d'un gentilhomme de province, et sans avoir cherché à augmenter sa fortune, il s'était contenté des revenus que les travaux de ses prédécesseurs lui avaient procurés. Cécile était encore au berceau lorsque son père vint à mourir. Sa mère suivit son mari de très près. Il lui avait laissé 10 000 livres sterling et l'avait confié au doyen X, son oncle, qu'ils avaient nommé son tuteur. C'est chez cet ecclésiastique, dont la fortune, augmentée par plusieurs circonstances heureuses, était devenue assez considérable, que Cécile venait de passer 4 années lorsqu'il vint à décéder. Sa mort, en la privant de son dernier parent, l'avait laissée héritière de tous ses biens, dont le revenu se montait à 3 000 livres sterling. À cette seule condition, que le mari en faveur duquel elle disposerait de sa main et de sa fortune prendrait son nom en l'épousant. Traitée aussi favorablement du côté des richesses, elle avait été encore plus par la nature. Sa figure était agréable, son cœur noble et bienfaisant. Son abord prévenait en sa faveur et annonçait beaucoup d'esprit. La moindre émotion de son âme se peignait sur son visage, et ses yeux, interprètes de ses pensées, laissaient voir tour à tour son discernement et sa sensibilité. Le doyen avait confié, pendant le court espace qui devait s'écouler jusqu'à la majorité de son héritière, sa personne et sa fortune à 3 tuteurs, s'en rapportant entièrement à son choix, et lui permettant d'habiter chez celui d'entre eux qui lui conviendrait le mieux. Cécile, affligée de la perte de tous ses parents, ne trouvait de véritable consolation que dans la tranquillité de la vie champêtre et dans les soins maternels d'une amie respectable qui la connaissait depuis son enfance et que ses années et son expérience lui avaient rendu presque aussi chère que sa propre mère. Madame Charlton, cette amie sincère et respectable, l'a reçue chez elle. Elle y était établie depuis le moment où elle avait rendu les derniers devoirs au doyen, et peut-être, si elle n'avait suivi que son inclination, y serait-elle restée jusqu'à ce lieu où elle aurait pu aller habiter sa maison. Mais ses tuteurs désirèrent qu'elle changeât de demeure. Elle obéit à regret, quitta ses premières compagnes, l'amie la plus chérie et la plus respectable, ainsi que le lieu qui renfermait les restes des seules personnes qu'elle eût aimées. Accompagnée d'un de ses tuteurs et suivie de 2 domestiques, elle se rendit de Bury à Londres. Ce tuteur était M. Harrel. Quoiqu'encore à la fleur de son âge, galant, poli, enjoué, grand et répandu dans le monde, il avait été nommé par son oncle un de ses 3 tuteurs, dans la vue de faire plaisir à sa nièce, dont il avait épousé la plus intime amie. Cette unique raison lui fit penser qu'elle préférait sa maison à toute autre. M. Harrel ne manqua pas de mettre en œuvre, pour dissiper sa mélancolie, tous les moyens que son esprit et sa politesse lui suggérèrent. Et Cécile, chez qui la douceur était assaisonnée de dignité et la délicatesse de fermeté, se comporta de manière à lui persuader que ses soins n'étaient point inutiles. L'idée de retrouver une jeune amie, de vivre dans le sein de la confiance, venait adoucir les regrets de quitter des personnes auxquelles la reconnaissance l'attachait et d'abandonner cette tranquillité qu'elle aimait. Elle avait cependant encore une épreuve à soutenir. Il restait un ami, duquel elle ne pouvait se dispenser de prendre congé. À la distance de 7 000 de Bury résidait M. Monckton, le particulier le plus riche et le plus accrédité de tout le voisinage. Il avait invité Cécile et son tuteur à déjeuner chez lui à leur passage. M. Monckton était le cadet d'une famille distinguée, un homme à talent, fort instruit et qui avait de la finesse. Il joignait à une force d'esprit naturelle, un grand usage du monde et à l'art de distinguer avec la plus grande facilité le caractère de ceux avec qui il avait à traiter, celui de déguiser parfaitement le sien. Désirant ardemment d'acquérir une fortune et d'obtenir la considération suite de l'opulence, il s'était marié de très bonne heure avec une riche douairière de condition dont l'âge avancé, puisqu'elle comptait déjà 67 ans, n'était cependant qu'une de ses qualités les moins désagréables, son humeur étant encore plus repoussante que ses rides. Une si grande disproportion d'âge lui avait fait espérer que les richesses qu'il s'était ainsi procurées serait bientôt débarrassé de ce qui rendait la jouissance moins agréable. Mais son attente fut aussi vaine qu'intéressée. Sa femme n'était pas plus la dupe de ses protestations qu'il ne l'était lui-même de ses espérances. Il connaissait trop bien le monde pour s'exposer à sa critique en maltraitant la femme à laquelle il devait le rang qu'il y occupait. Il est vrai qu'il ne la voyait que rarement, mais il savait trop ce qu'il se devait à lui-même pour manquer aux lois que la décence et la politesse imposent en pareil cas aux honnêtes gens. Ayant ainsi sacrifié à son ambition tout espoir de bonheur dans sa vie privée, il tourna ses vues du côté où il espérait trouver les plaisirs qu'il avait achetés si cher la faculté de se procurer. Cette ressource, pour les personnes opulentes, ne saurait leur être ravie. Il n'y a que la satiété qui puisse les en priver. Monsieur Moncton n'avait point encore éprouvé ce sentiment. Elle avait prudemment partagé son temps entre les amusements dispendieux de la capitale et les plaisirs les plus bruyants de la province. Le peu de connaissances que Cécile avait acquis des usages du monde et des différents caractères de ceux qui le composent, elle ne le devait qu'aux observations qu'elle avait eu occasion de faire chez ce gentilhomme, avec lequel le doyen son oncle avait été particulièrement lié. Il était très considéré. Sa conversation était pour elle une source inépuisable d'instructions. L'habitude de la société et l'étude des individus qui la composent le mettaient à portée de traiter les sujets dont elle avait le moins d'idées, et son esprit, capable de saisir et de sentir le vrai, y trouvait de nouvelles lumières. Les idées de Cécile s'étaient étendues, tandis que les réflexions de M. Moncton n'avaient servi qu'à l'affliger. Il voyait devant lui un objet qui, à tous les avantages de cette opulence qu'il avait si fort prisée, joignait encore la beauté, la jeunesse et l'esprit. Quoique beaucoup plus âgé qu'elle, il ne l'était cependant pas encore assez pour que son inclination eût rien de ridicule, et la satisfaction que sa conversation paraissait causer à Cécile lui donnait lieu de se flatter que l'opinion avantageuse qu'elle avait conçue de son mérite pourrait insensiblement se changer en affection. Il se reprochait le motif qu'il avait porté à se sacrifier en épousant une femme qui laborait, et les vœux qu'il formait pour en être débarrassé devenaient tous les jours plus fervents. Il savait que les liaisons de Cécile ne s'étendaient pas au-delà d'un cercle particulier dont il faisait lui-même le principal ornement, qu'elle avait rejeté tous les partis qui s'étaient présentés jusqu'alors, et son cœur s'était refusé à toute impression dangereuse. Il s'était accoutumé depuis longtemps à la considérer comme un bien qui ne pouvait lui échapper, et quoiqu'il n'eût pas apporté une plus grande attention à approfondir sa façon de penser qu'à empêcher qu'elle ne parvint à découvrir la sienne, il avait disposé d'avance de sa fortune et avait déjà fait des arrangements en lui-même qui répondaient le mieux à ses goûts. La mort du doyen, oncle de Cécile, avait réellement alarmé M. Moncton. Il la voyait à regret abandonner la province de Suffolk, où il se regardait comme l'homme le plus considérable, tant par son mérite que par son crédit. Et il redoutait le séjour de Londres, où il prévoyait que nombre de ribauds, ses égaux par leur talent et leur richesse, ne tarderaient pas à se présenter et à lui prodiguer des soins. Ses ribauds, plus jeunes et aussi confiants que lui, n'étant pas retenus par les mêmes liens, feraient tous leurs efforts pour lui plaire et pouvaient fort bien réussir. La beauté et l'indépendance qui se trouvent si rarement ensemble dans une jeune personne ne manquent presque jamais de lui attirer une foule d'adorateurs. D'ailleurs, la maison de M. Harrel était renommée pour son élégance et les agréments dont on y jouissait. Malgré toutes ces considérations, bravant le danger et se confiant à son ascendant, il résolut de ne point renoncer à son projet, convaincu que sa persévérance et son adresse ne pouvaient manquer d'en assurer le succès.